ngai Mario. Na sambwisa nzoto na ngai likolo ya mer oyo. Vraiment ah. Ngai Mario era sambwe ko samba. Na lekaba kwenyo sobatala ngai nelongi. Na sambwisa nzoto likolo ya mamoyo. Ah, ngai Mario. Oh, nyonso foire mutelwenga makambo. Na kina foire, maman ya tuninga sonaka na famille ni. Na ebisiye, a tuninga adresse na pesiye. Maman ya naninga tina campus. Comme la campus a bien accoté la voiture na ya Mercedes. Na côté na voiture na quel tina nda koné. Albi mwana. Na mona cosa qui to komingi vraiment. Est-ce que okoko lingaté to za langa na yo? Na bité mère. Ta ka nenge za ina ngai, impossible. Na za na fiancé na ngai. Mère a obligé nga na lingaye. Mais comme ba Fafio, azake na ngoi belé. Na voir ça autre monté, na ndimi kaka. Ah! Na beta kaye mpona kanda ya fiancé nanga. Na boya fiancé likolo ya mbongo na ye. Soki na kanisi kole na motema. Na beta kaye mpona kanda ya fiancé nanga. Na boya fiancé likolo ya mbongo na ye. Soki na kanisi kanda na motema. Na kati ya quartier bato bakamwe ndenge na boya fiancé na babi, ce n'est pas possible. Mario mutayaki mwasi oyo boye aboye nyonso na nini mpo na mer. Mer, mer, mbongo oza kopesa ngai mpo na nini? Oza kopesa ngai mpo na kitoko na ngai mer. Alors mosala nsutu eza komerite nini? Eza komerite salaire, c'est pas vrai? Ah. Ye moko motindi bato. Ye moko moluki ngai. Ye moko motindi bato. Ye moko moluki ngai. Lelo komo na ngai e baby. Ngai Mario eh. Ye moko motindi bato. Ye moko moluki ngai. Ye moko motindi bato. Ye moko moluki ngai. Lelo komo na ngai e baby. Ngai Mario eh. Mario. Vraiment, n'a qu'une commission nous en zoto pamba pour la mère. Mère, t'as la cagandenge aux arolingangai pour la guito pour la mère. Alors, et le conini et kokaki pour salamanaka pour la mère. N'a pas encore monté ma bonne arolingayo. Aux arrivés pour la ta gaine misato. Pour konda, pour zoatai. Nous sommes en train de mer. Est-ce que mère n'a pas eu Kolinga? N'a pas eu la canne de Ngwana? Non, je ne peux plus, je ne peux plus, je ne peux plus, je ne peux plus. Ah, Zambé. A baby sama balé belé, poya kolukangai, na koma koki maye, pona motungisi. Sous la 20h, la moyenne maninga na ngai à campus la ibi singai. Tomoni voiture mokeza kolokola ni banda. Na bimi, na mona ka mère. Avant na kati ya voiture. Na mère sa mboni. Habite to bima. Na koti na voiture na ye. Akuminga ti na ndako na ye. Nzoka ne mère na mopa. Mbala moka pisina bilo na mani olia. Noka mba moko te. Ke no bomba na chambre. Kati pona ni. Te mba na ngai ye. Na kumi na chambre pe komo mpesa ite na koti na se ambet. Mbeto tene maki se mingi. Libaye ambet na matele tombwani. Alo mer na somo wana. Aiko vande li matela libaye ambeto. Vani babite, pete bourré na moui. Yana tiba big na se tomboni ma bayana matela. Est-ce que Mosalawana est à quoi mérité salaire tel? Alors, souka pissing à mon barbac, n'a pas oublié mon anaye. Ah! Na somnelli fiancé na naye, tovana pauvre. Na bayeva mon anaye, na voiture. Tika cotine la navato, na bilama. Bilama o soma pesa vale kina yo balata mamoyo Na someli fiance na nai tova na pova Na baeva mongo na ye na ba voiture Ika kotinde la mabato na bilama Bilama o soma pesa vale kina yo balata mamoyo Alobi Bila mana lavage A continuer la ngango na pousse pousse Alors si quoi akobenga susu na reprendre bila mbawana Ata bila moko dans la place nangai Nandimi ya solo Mario kombo nangai Mario kombo ba pesangai Mario kombo ya kitoko nangai Mario kombo balinga kangai Mario kombo banula kangai Te bila mango a apesa memba oncle ne balata Nana besoin d'un goût souffle. Ah! Yemo comme on sombi voiture, yemo comme on tamouissi. Yemo comme on sombi voiture, yemo comme on tamouissi. Lelo a ganyinga na bomelie, Mercedes. Yemo comme on sombi voiture, yemo comme on tamouissi. Yemo comme on sombi voiture, yemo comme on tamouissi. Lelo a ganyinga na bomelie. Mercedes Bandeko Mercedes sango boeka na kombo Kimba mara eko somba wana poto Yena kisasa musako bisa obe milinga Moko musonyi ko sala accident ye moko ngana lukipo na balo la volant Nami na wota musafati ute Abingay na tuteli ye Mercedes na nzete Vraiment Tout d'abord na zana permis de conduire Na yibi kota musafati ute Je suis un peu plus de la campus depuis que je suis un peu plus de la foire. Je suis un peu plus de la foire. Je suis un peu plus de la foire. Je suis un peu plus de la foire. Je suis un peu plus de la foire. Je suis un peu plus de la foire. Je suis un peu plus de la foire. Je suis un Baby sama mongoli kolo ya kitoko na nai akoma kolukanga na kati ya vanga na nyoso apesa na kutukombo papa fiotie Fafio azako pesa ngai. Nazaki pe ko profiter na ona pesa ka fiancé na ngai. wapi epai omona okuti na magasin oluli eloko ofuta facture te mer alwaki kitoko na ngai mer aza kolula ngai mpo na bacharme na ngai eske soki apesi ngai mbongo akeno loba soki pango soki ngai aza kowie ye no bapesaki ngai kombo mario bapesaki ngai kombo mario bapesaki ngai kombo mario bapesaki ngai kombo mario ngai mario nasala boni ya kombo na ngai ye moko motindi bato ye moko moluki ngai ye moko motindi bato ye moko moluki ngai lelo kombo na ngai ebebi ngai mario ye moko motindi bato ye moko moluki ngai ye moko motindi bato ye moko moluki ngai lelo kombo na ngai ebebi ngai mario Lelo kombo na ngai baby, ngai Mario.